إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz de son auteur Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. La semaine dernière, on avait traité de la prière de Duha, qui est appelée également aussi, elle a deux noms, Salatu al-Awwabin. Et al-Awwabin, on avait dit, quelle était la signification? Des repentants. Al-Awwabin, ce sont ceux qui se repentent et qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à sa légifération de cette prière, la preuve est dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que son ami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a conseillé trois choses. Parmi ces trois choses, de s'acquitter ou de faire deux raka'at pendant l'heure du duha. Taïb, quels sont les mérites de cette prière? Quels sont les mérites de la prière du duha? Non? Non? Le professeur Hassan m'a dit que chacun d'entre nous doit donner une aumône à chacune de ses articulations. Et dans un autre hadith, le professeur Hassan m'a dit que l'être humain a 360 articulations, il doit s'acquitter pour chacune de ses articulations d'une sadaqa. Et le professeur Hassan m'a donné des exemples de sadaqa. Faqala, fakulu tasbihatin sadaqa, wa kulu takbiratin sadaqa. وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة. Le professeur Hassan a donné des actes par lesquels on donne un aumône à nos articulations. Parmi ces actes, le tasbih, de dire subhanallah, le tahmid, de dire alhamdulillah, le takbir, de dire Allahu Akbar, et également de ordonner un bien et d'interdire un mal est considéré comme une aumône. Et le professeur Hassan a dit ويجزي عن ذلك كله ركعتين يَرْكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الدُّحَى. Et suffit à tout cela, c'est-à-dire qu'il te suffit de faire deux raka'at pendant l'heure du duha pour donner une aumône à chacune de tes articulations. Taïb, mais cette prière doit-elle être faite une fois, de temps en temps, ou bien est-ce qu'il est légiféré de la faire tous les jours? Non. Taïb, Cheikh Ibn Athaymi dit de la faire tous les jours. Quelle est la preuve? Quand il dit que tous les jours tu dois une sadaqa, car le professeur a dit chaque matin la personne doit donner une aumône à chacune de ses articulations. On en déduit de ce hadith qu'il est légiféré de faire salat al-duha durant tous les jours, même s'il n'a pas été rapporté par le professeur qu'il la faisait tous les jours, mais ce hadith nous suffit amplement. طيب, le nombre de raka'at. Quel est le nombre de raka'at de salat al-duha? Le minimum est de 2 et le maximum est de 12. Ouais. Il y a l'unanimité sur cela? Non. Non. C'est quoi la divergence? Il y en a qui disent que tu en fais 8 parce qu'il y a le hadith du prophète que l'une des femmes avait vu le prophète faire 8 raka'at. Non. Et Cheikh Al-Rotemi dit qu'il n'y a pas de raka'at. Donc certains savants disent 8, le maximum est de 8, d'autres disent 12, et d'autres disent qu'il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que la personne peut prier autant de raka'at qu'elle veut. Quelle est la preuve de ceux qui disent qu'il n'y a pas de maximum? نعم نعم أحسن. يقاس الحديث عائشة رضي الله عنها كي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ثم يزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء الله. الحديث rapporté par مسلم. طيب comment les autres savants répondent à ce hadith, ceux qui disent 8 ou 12, comment est-ce qu'ils répondent à ce hadith d'Aïcha? Car Aïcha a dit que le prophète s'en priait 4 raka'at puis ajoutait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu en disant Masha'Allah, c'est-à-dire ou Yazid ou Masha'Allah, c'est-à-dire qu'il rajoutait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait, autrement dit le maximum qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, Masha'Allah ne vient pas en contradiction avec le fait de dire 12 ou 8. D'accord? Taïb, quelle est la preuve que le maxi, que ce, quelle est la preuve de ceux qui disent que le maximum est de 8? C'est le hadith de Hani, radiallahu anha, qui dit Yom al-Fatih, le jour de la victoire, que le prophète sallam a prié chez elle 8 rak'at subhat al-duha. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié chez elle 8 raka'at qu'elle a appelé subhat al-duha. Et on avait dit que subhat, ça avait quoi comme signification? Al-subha, c'est quoi la subha? Non? C'est le du mot subhanallah, mais on avait déjà parlé de subha. Non. C'est tasbih, elle dit. Al-subha, on avait dit que ça avait le sens de nafila. Que As-Subha, ça signifie aussi An-Nafila. Et la preuve, c'est le hadith d'Umhani, qui a dit que le Prophète sallam salla, indaha, thaman raka'at, subhat al-duha. Yani, Nafilat al-duha. Taïb, et concernant les 12, on avait dit que le maximum qui était rapporté dans. Yani, les faits du Prophète sallam, le maximum est de 8. Mais ses paroles, le Prophète sallam nous a conseillé d'en faire 12. Et j'avais dit que j'allais vous rapporter le hadith à ce sujet. C'est le hadith de Abu Darda, radiallahu anhu, rapporté dans Sunan al-Tabarani, ou Mu'jam al-Tabarani, un hadith rendu bon par Sheikh al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Targhib wa Tarhib. Le hadith d'Abu Darda, يقول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين, ومن صلى أربعا كتب من العابدين, ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم, ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين, ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حسنه الألباني. Donc, la preuve, c'est le hadith d'Abu Darda, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie al-duha de raka'at, il ne sera pas écrit ou il ne sera pas inscrit parmi al-ghafilin. Al-ghafilin, ce sont les négligents, ceux qui négligent. Wa man salla arba'an kutiba min al-abidin. Et celui qui en prie 4, il sera inscrit parmi les adorateurs. Et celui qui en prie 6, il sera épargné ce jour-là. Celui qui en prie 8, Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrira parmi les dévoués. Et celui qui en prie 12, Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtira une maison au paradis. Hadith jugé bon par Al-Albani, rahimahullah. Donc on en déduit de ce hadith que le maximum rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de 12. Et la parole de l'auteur qui dit que le maximum est de 8, on peut comprendre la parole de l'auteur comme étant 8 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pratiquement, a fait de lui-même. طيب, quelle est l'heure à laquelle il nous est autorisé de faire la prière de Duha? Naam? Du lever du soleil jusqu'à salat Duha. Il a salat Duha. طيب, juste après le lever? Non. Naam? Combien en temps? 15 minutes, un quart d'heure. Naam. طيب, et quelle est la meilleure des horaires? La meilleure des horaires, c'est 45 minutes avant le dhuhr. C'est quoi la preuve 45 minutes avant le dhuhr? Lorsque le sable est le plus chaud et la chaleur du sable fait lever les chameaux de bas âge. Ils ne peuvent plus supporter la chaleur du sable, donc ils se lèvent. Et les savants disent que le sable est au plus chaud vers... lorsqu'on s'approche du zénith, d'accord, lorsqu'on s'approche du zénith, c'est-à-dire vers la fin de la matinée. Et certains savants ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, à peu près 40-45 minutes. Taïb, ensuite, on avait parlé de la prière après les ablutions. On avait cité le hadith de Bilal, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les pas de Bilal radiallahu anhu au paradis. Et il lui a demandé quelle est la chose, quel est l'acte par lequel tu espères le plus être récompensé. Et Bilal radiallahu anhu a dit, je ne fais, à chaque fois que j'ai fait mes ablutions, que ce soit le jour ou la nuit, je le fais suivre par des prières que je prie. Ensuite, on avait parlé de Salat al-Istikhara, la prière de la consultation. Naam. Ah non, j'ai pas eu le temps de chercher, akhi. Non. Dans le hadith, Bilal radiallahu anhu n'a pas dit raka'atayn, mais dans d'autres hadiths, on avait dit la semaine dernière qu'il y avait d'autres hadiths où Bilal radiallahu anhu a dit « Salli raka'atayn », j'ai pris deux raka'at. Taïb, la prière de la consultation, quand est-ce que la personne, quand est-ce qu'il est légiféré à la personne de faire salat al-istikhara, la prière de la consultation? Non. Dès qu'elle entreprend quelque chose, dès que ça lui passe par la tête, non, dès qu'elle est motivée, comme on avait dit de la part du Cheikh d'Albani, dès que la personne est décidée et motivée et engagée à faire quelque chose. Dans ce cas, elle fait salat al-istikhara, elle fait la prière de la consultation. Et on avait dit qu'une personne qui on ne fait pas yani, la prière de la consultation pour quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire. Cela n'est pas légiféré, comme le dit le Cheikh d'Albani, rahimahullah ta'ala. Taïb, comment faire la prière de la consultation? De prier deux raka'at. Deux raka'at n'importe lesquelles. Hassan, il ne faut pas que ce soit une prière obligatoire. Parce que si tu m'aurais dit n'importe laquelle, je t'aurais dit donc tu pourrais faire après le fajr. Non, le prophète m'a dit min ghayri al-farida. En dehors des prières obligatoires. Donc il faut que ce soit une prière surérogatoire de prier deux raka'at. Qu'est-ce qu'on doit lire pendant ces deux raka'at? Qu'est-ce qu'on doit lire? Le Fatiha, ça c'est obligé, sinon on n'est pas accepté. Et n'importe quel surah. Il n'y a pas de surah bien précise à lire durant cette prière. Puis ensuite, ensuite faire l'invocation. Quand est-ce qu'on fait l'invocation? Dans le sujoud. Après la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thumma yaqul ». Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Puis » qu'ils disent. Et la dua, c'est Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lam an hadha al-amr wa yusammih. Et ensuite de nommer le sujet sur lequel tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de nommer ton problème ou de nommer la chose que tu veux entreprendre. Et je sais que dans Hisn al-Muslim, il met entre parenthèses et certains lisent dans leur dua non, yani ce qui est entre parenthèses, c'est l'auteur dit il faut que tu dises à ce moment de l'invocation, lorsque tu dis oh Allah, si tu sais que cette chose, ensuite tu la nommes. Et l'auteur entre parenthèses a mis et nommé cette chose. Certains lisent en arabe et nommé cette chose en pensant que ça fait partie de la dua, mais non. أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري أو آجله فاقدره لي إذا جنت رواية ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. Ensuite, après avoir fait la prière de la consultation et de l'avoir suivie par les invocations, qu'est-ce que la personne doit faire? Non? Est-ce qu'elle doit attendre quelque chose? Est-ce qu'elle doit attendre un rêve? Est-ce qu'elle doit attendre quelque chose de particulier? Non. Et les savants disent, mais si quelque chose apparaît, alhamdoulilah, tant mieux pour cette personne. Si le cœur de cette personne est apaisé après, et qu'il ne voit pas d'inconvénient, alhamdoulilah, qu'il continue. D'accord? Mais qu'il n'attende pas un rêve. Qu'il ne dit pas, par exemple, moi j'ai fait ça de l'istikhara, j'ai toujours pas de réponse. Mon cœur, il n'a pas bougé, j'ai pas rêvé, j'ai rien fait du tout, il n'y a rien qui est apparu. Les savants disent que la réponse à ta prière de la consultation, c'est ce qui, les faits qui vont suivre après. C'est ce qui va se passer après qui est la réponse à ta prière de la consultation. Si la chose, tu l'as entrepris, alhamdoulilah, c'est que de l'avoir entrepris, c'était ce qui est meilleur pour toi, et si tu ne l'as pas accompli, alors sache que c'était un mal pour toi. Car dans la vocation, tu dis, oh Allah, si c'est un bien, alors destine-le-moi et facilite-le-moi, et si c'est un mal, alors éloigne-moi de lui et éloigne-le de moi. Taïb, et celui, est-ce qu'il est autorisé de faire plusieurs fois salat al-istikhara? Naam, Cheikh Ibn Al-Taymiyyah dit qu'il est autorisé de la faire 2-3 fois, et si rien n'apparaît, de consulter les gens, de consulter les personnes qui te sont proches et en qui tu as confiance. Elle est de demander aux personnes en qui tu as confiance et de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains salafs disaient « La yandamu man istakhara al-khaliq wa shawara al-makhluqin » Ne regrettera jamais celui qui consulte Allah et demande conseil, celui qui consulte le Créateur et demande conseil aux créatures. Ne regrettera jamais celui qui consulte le Créateur et demande conseil aux créatures. C'est clair? Ensuite, on avait parlé de Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Lorsque l'éclipse, il y a une éclipse solaire ou lunaire, qu'elle soit partielle ou totale, il est préférable que le muezzin appelle as-salatu jami'a, afin que les gens se rassemblent et prient à la mosquée. Comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Puis lorsque les gens sont rassemblés à la mosquée, l'imam prie alors 2 raka'at. Et quelle est la description de la prière de l'éclipse? Tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire? La prière, c'est la même. Taïb, comment prier? L'imam fait le takbir. Ensuite, il lit le fatiha. Il lit une sourate. Une sourate comment? Longue. Longue seulement. Très longue seulement. Très très longue. Une sourate très très longue. Ensuite, il fait le takbir. Il s'incline. D'accord? Il s'incline et le temps de l'inclinaison est très long. Au point que Aïcha radhiyallahu anha a dit, qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle a décrit la prière de l'éclipse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, elle n'a pas dit ça, c'est d'autres savants qui ont dit ça, mais elle a dit qu'elle n'a jamais vu d'inclinaison et de prosternation aussi longue. Puis, il se relève en disant « Sami Allahu liman hamida » et ensuite, il recommence sa lecture. Il recommence à lire Al-Fatiha et à lire une sourate. Et la deuxième lecture est moins longue que la première. Ensuite, il fait le takbir, il refait une inclinaison qui est également très longue, puis se relève et dit « Sami Allahu liman hamida » et ensuite, il se prosterne. Et ensuite, il se prosterne. Et lorsqu'il se relève de l'inclinaison, le temps où il doit rester debout, quel est ce temps? On n'en avait pas parlé de ça. Le temps, est-ce que ça doit être rapide? Ou est-ce que ça doit être long? Aussi long que le rokoa, ahsan. Car Ibn Umar radiallahu anhu, lorsqu'il a décrivé la prière du professeur sallam, il disait que ses inclinaisons et le fait qu'il soit debout, c'est-à-dire lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, était à peu près de la même durée. D'accord? Donc pendant la prière de la consultation, lorsqu'il se relève de la deuxième inclinaison, la prière de l'éclipse, Afwan, la prière de l'éclipse, lorsqu'il se relève de la deuxième inclinaison, avant de se prosterner, il ne reste pas debout longtemps. Cela est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait du rukou', il restait debout le même temps que sur l'inclinaison. D'accord? Donc il se relève de sa deuxième inclinaison, puis se prosterne et fait deux sajdat, et se relève et fait la deuxième rak'at de même. D'accord ? Pendant sa lecture, est-ce qu'il lit à voix haute ou est-ce qu'il lit à voix basse ? Non ? À voix ? À voix haute, quelle est la preuve ? Quelle est la preuve ? On avait cité la preuve ou pas ? Non ? On avait cité le hadith de Aïcha radhiallahu anha qui dit que Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa jahara bi qira'atihi. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila al-masjid wa jahara bi qira'atihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la prière de l'éclipse, est sorti à la mosquée et a lu à voix haute. D'accord ? Taïb. Quelle est la cause de la prière de l'éclipse ? Quelle est la cause de l'éclipse ? La crainte. Ça, c'est la cause, on va dire, religieuse. Quelle est la cause scientifique ? Il y a deux causes de l'éclipse. Il y a la cause scientifique et il y a la cause religieuse. La cause scientifique, c'est l'éclipse lunaire, c'est quoi ? C'est lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, de telle sorte que la Lune n'est plus illuminée. Elle est sombre. D'accord ? Car la lumière de la Lune, qui provient du Soleil, est cachée par la Terre. Et l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, c'est lorsque la Lune se met entre la Terre et le Soleil et cache, vue de la Terre, la lumière du Soleil. Ça, c'est l'éclipse solaire. Donc ça, ce sont les causes scientifiques. Il y a la cause religieuse qui est pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éclipses ? Quelle est la cause ? Allah est en colère. Non ? Le prophète sallam a dit innahuma ayatan min ayatillah la inna ash-shamsa wal-qamar la yankhasifani li mawt ahad wa la li hayatihi wa innama huma ayatan yukhawwifu Allah bihima ibada. Que le soleil et la lune sont deux signes qui n'apparaissent pas après la mort ou la naissance de quelqu'un, mais elles apparaissent et par leur apparition, Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. Donc, l'éclipse, lorsqu'elle arrive, elle doit faire peur aux musulmans. Même s'il en connaît la cause scientifique. Mais la cause scientifique, c'est une chose, et la cause religieuse, c'en est une autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si il a légiféré, ou le fait qu'il y ait une éclipse, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela pour nous faire peur, si on n'a pas peur, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de l'éclipse quelque chose, il fait de l'éclipse, c'est-à-dire pour faire peur à ses serviteurs. Mais si ses serviteurs n'ont pas peur, il y a un problème. Ses serviteurs doivent avoir peur, même s'ils n'en connaissent pas la raison. Et la cause scientifique, c'est une chose, et ça n'explique pas la cause religieuse. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on sait comment est-ce que l'éclipse a lieu que cela ne doit pas nous faire peur. Non. On doit avoir peur de l'éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de l'éclipse. Lorsque la nuit tombait en plein jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur. Il a ordonné aux gens de faire la zakat, de donner en aumône. Il a même ordonné d'affranchir les esclaves pour ceux qui en avaient. Il a ordonné de faire le takbir et de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur. Et les compagnons de l'anum avaient peur aussi. Et même par la suite, les gens étaient terrorisés par les éclipses. Les gens pleuraient lorsqu'il y avait une éclipse. Ils pleuraient, ils avaient peur. Cela leur faisait rappeler le Yom al-Qiyam, le jour du jugement. Donc, il faut faire revivre cela, le fait que l'éclipse doit être quelque chose d'effrayant. Ça doit effraire le musulman. Non. La personne l'a fait quand il la voit ou bien quand il entend parler d'elle ? S'il la voit, il doit se rendre à la mosquée. Et lorsqu'il entend la dinde, il se rend à la mosquée également. Le problème, c'est qu'ici, ils ne la font pas. Ici, ils ne la font pas, on peut la faire. Pourquoi est-ce qu'ici, ils ne la font pas ? Ici, ils ne la font pas parce que les gens de chacune, ils ne donnent plus d'importance à cette prière. Ils délaissent cette sunna, même cette chose obligatoire. Comme on avait vu la semaine dernière que Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse, était obligatoire. C'était un fard. Et la semaine dernière, je vous avais dit que c'était un fard aïn. mais je me suis trompé sur cela, car les savants ont dit fardaï, ont dit que c'était un fard, que c'était obligatoire, mais ils ont précisé que ce que l'on comprenait de cette chose obligatoire, c'est que c'était obligatoire pour une partie des musulmans, que c'était un fard qui fait. Car j'ai entendu Cheikh Ibn Taymiyyah ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah dire que Salat al-Kusuf, le rajih, l'avis le plus sûr, c'est que c'était obligatoire, mais ils ont été questionnés par la suite, est-ce que c'est une obligation pour chacun des musulmans ou est-ce que c'est une obligation pour une partie des musulmans, et ils ont répondu que c'était une obligation pour une partie des musulmans. Lorsqu'une partie des musulmans s'acquitte de sa prière et l'accomplit, l'obligation est levée pour les autres. D'accord ? Donc la semaine dernière, je vous avais dit que Salat al-Kusuf c'était un fard aïn. Je reviens sur cette parole, c'est un fard kifa'i. Naam. Si on sait qu'il n'y a aucune mosquée qui le fait, ça fait, on peut rentrer chez nous le faire. Naam. La prière de l'éclipse, elle peut être priée seule comme elle peut être priée à la mosquée. Naam. Elle peut être priée seule comme elle peut être priée à la mosquée. Et maintenant, notre époque, on peut utiliser, les savants disent, si tu ne vois pas l'éclipse, s'il y a des nuages qui te cachent la lumière qui rend sombre la journée, tu ne peux pas voir l'éclipse. Les savants disent, comme Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il est autorisé de se fier au calcul scientifique. Il est autorisé de se fier au calcul scientifique car la plupart du temps, ils sont vrais concernant les éclipses. Ils peuvent déterminer des années à l'avance quel jour, à quelle heure, à quelle seconde l'éclipse aura lieu. Donc si on ne voit pas l'éclipse à cause d'un mauvais temps, il nous est autorisé de se fier à l'heure scientifique, c'est-à-dire de commencer la prière à cette heure et de la finir à l'heure de la fin. Mais si s'il n'y a pas de mauvais temps, si le temps est clair, si le ciel est dégagé, on doit se fier à l'éclipse de ce qu'on voit. Lorsque le jour disparaît en plein jour, on commence la prière, et lorsqu'on voit le soleil réapparaître, on arrête la prière. Non. Pas de question ? Non. Nous en France, si on sait qu'il y a une éclipse, par exemple en Chine, on prie. Tu l'as fait. Il faut que l'éclipse soit en France. D'accord. Et s'il y a une éclipse en Chine, tu ne fais pas l'éclipse en Chine. Parce que il n'y a pas d'éclipse pour toi. Et on avait dit que la prière de l'éclipse, Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a fait pour nous faire peur. Toi, tu vas faire une prière de l'éclipse qui normalement tu dois la faire en ayant peur, tu vas la faire en plein jour. Non. Il faut que l'éclipse soit dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu es. Et elle peut durer combien de temps après la déclipse ? Elle peut durer très longtemps. Comme on avait vu la semaine dernière, certains compagnons tombaient de fatigue. Tellement la prière était longue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les éclipses, ça peut être, tout dépend du temps, elle peut être partielle ou totale, ça peut durer 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Non. Taïb. Ensuite, donc on s'est arrêté ici. Fais-moi yaqul al-mu'allif al-khutbatu ba'da as-salah. Yusannu lil-imam idha sallama min as-salah an yakhtuba an-nasa fayaidhuhum wa yadhkiruhum wa yahuthuhum 'ala al-'amal as-salih. An 'Aisha radhiyallahu 'anha anna Rasul sallallahu 'alayhi wa sallam salla yawman khasafat ash-shams ثم ذكرت صفة الصلاة فقالت ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة حديث متفق عليه وعن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس حديث صحيح رواه البخاري وعن أبي موسى الأشعري قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره حديث متفق عليه. Donc le discours après la prière, il est donc légiféré, il fait partie de la sunna pour l'imam lorsqu'il termine sa prière de l'éclipse d'exhorter les gens, de faire un discours, d'exhorter les gens et de les rappeler Allah subhanahu wa ta'ala de les conseiller et de les encourager à faire des actes pieux, Aïcha radiallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié un jour d'éclipse, elle a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a dit thumma sallam, puis a fait le salut waqad tajallat ash-shams, une fois que le soleil est réapparu, et il a exhorté les gens et leur a dit que l'éclipse de la lune, l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pas à cause de la mort de quelqu'un ou de sa vie ou de sa naissance. Lorsque vous les voyez, précipitez-vous en ayant peur vers la prière. Précipitez-vous avec peur vers la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que l'éclipse ne sont pas dues à la mort de quelqu'un ou à sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour éloigner tout doute, car c'était au moment où son fils Ibrahim radiallahu anhu, que son fils Ibrahim était né, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lever tout doute et a dit à ses compagnons que l'éclipse qui a lieu, elle n'a pas lieu à cause de la mort de quelqu'un ou de la naissance, autrement dit de la naissance de son fils, mais ce sont deux signes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. Et selon Asma radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'affranchir pendant l'éclipse solaire, a ordonné d'affranchir les esclaves pour ceux qui en avaient pendant l'éclipse solaire. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Et selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit, il y a eu une éclipse solaire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé effrayé. Il avait peur que c'était l'heure. Il est parti à la mosquée, a prié. Il est resté debout très longtemps. Il s'est incliné et s'est prosterné. Il s'est prosterné et incliné d'une façon la plus longue que j'ai vue. Je n'ai jamais vu le professeur Asselem prier debout et s'incliner et se prosterner aussi longtemps que cette fois-ci. Waqala, et le professeur Asselem, après avoir prié, a dit que ce sont des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Elles ne sont pas dues à la mort de quelqu'un ou à sa naissance, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à travers celles-ci à ses serviteurs. Et lorsque vous voyez celles-ci, c'est-à-dire l'éclipse solaire ou lunaire, fafza'u, accourez en ayant peur vers le rappel d'Allah, vers son invocation et vers son pardon. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى آخره الوجوب فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية كما قال أبو عوانة في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها وهو ظاهر صنيع بن خزيمة في صحيحه فإنه قال فيه باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمور بها في الأمر بها. Et ce que l'on comprend de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit accourez vers la prière, on comprend de cela l'obligation, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Tamamul Minnah. Et la prière est donc obligatoire pour une partie des musulmans et non pour l'ensemble des musulmans, comme le dit Abu Awan al-Fasahihi lorsqu'il a donné comme nom de chapitre Bayan wujub salat al-kusuf, l'obligation de la prière de l'éclipse. Puis il a cité des hadiths authentiques qui prouvent l'obligation de celle-ci, wa huwa zahiru sani' ibn Khuzaymah fi sahihi. Et c'est également ce que Ibn Khuzaymah rahimahullah a fait dans son livre, dans son sahih. Lorsqu'il a dit babul amri bis salati 'inda kusufi ash-shamsi wal qamar, le chapitre de l'obligation de prier pendant l'éclipse solaire et lunaire. Qala al-hafiz fi al-fath fal-jumhur 'ala annaha sunnatun mu'akkada. وصرح به أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أرى غيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة تمام المنة. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit également dans son livre تمام المنة, il cite la parole de Hafid ibn Hajar qui dit dans son livre Al-Fath, et la plupart des savants disent que la prière de l'éclipse est une sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. Wa sarraha Abu Uwana, et Abu Uwana dans son sahih a parlé de son obligation. Et je n'ai pas vu autre que lui dire que c'était une obligation, sauf ce qui est rapporté par Malik, selon Malik, qui dit qu'elle avait le même jugement que la prière du vendredi. Autrement dit, qu'elle est obligatoire. وَنَقَلَ الزَّيْنِ ibn al-Munir عَنْ أَبِي حَنِيفَ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا. De même qu'il a été rapporté par Abu Hanifa, radiallahu qu'il considérait également que cette prière était obligatoire. وَكَذَا نَقَلَ بَعْضُ مُصَنِّفِ الْحَنَفِيَ أَنَّهَا وَاجِبَهَا. Et de même pour le rite Hanafi, ils disent que la prière de l'éclipse est une prière obligatoire. Mais le terme obligatoire, il faut le comprendre envers une partie de la communauté et non envers la totalité. Salat al-Istisqa, la prière de la pluie. إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء. Donc la prière de la pluie. Lorsque la pluie, lorsqu'il cesse de pleuvoir, ou lorsque la terre ne produit plus de fruits, il est préférable de sortir vers Al-Musalla al-Istisqa. Al-Musalla, c'est un endroit en dehors de la mosquée, un endroit vague, un terrain vague que l'on prend pour prière. Quelles sont les prières qui sont faites dans Al-Musalla ? Dans un terrain vague. Al-Idain. Les deux prières de l'Aïd, elles ne se font pas à la mosquée, elles se font dans ce que les savants appellent Al-Musalla, un terrain vague. Donc les savants disent que Salat al-Istisqa, la prière de la pluie, elle se fait lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pluie, lorsqu'il n'y en a pas du tout, ou lorsque la pluie arrive tardivement. Lorsque la pluie arrive tardivement, il est autorisé et légiféré, il est préférable de faire la prière de l'Istisqa. Et concernant l'Istisqa, il y a plusieurs façons de le faire. Et la demande de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se fait pas uniquement pendant la prière de la pluie. Elle se fait aussi, elle se fait pendant Khutbat al-Jumu'ah, et elle se fait en invoquant, tout simplement, dans tes invocations générales. Et concernant Khutbat al-Jumu'ah, cela a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'il n'y avait plus de pluie et que les récoltes étaient asséchées. Et il a dit, Ud'u'Allah alana. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ud'u'Allah alana. Invoque Allah pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse descendre et qu'il donne de la pluie. Et les compagnons radiallahu anhum on décrit cette scène et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas descendu est descendu du minbar et l'eau coulait de sa barbe. L'eau de la pluie coulait de la barbe du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres compagnons ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation, il voyait un nuage venir et s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à au-dessus de sa tête et verser de la pluie. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons m'ont dit il n'a cessé de pleuvoir, il a plu toute la semaine jusqu'au vendredi suivant. Et un autre homme, il y a un doute du rapporteur, il ne savait plus si c'était le même homme ou si c'était un autre homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, halakatil bilad, que la pluie a porté atteinte aux cultures et a porté atteinte aux habitants. Ud'u'Allah, demande à Allah qu'il la cesse. Et le prophète a invoqué Allah et a dit Allahumma hawalayna wa la alayna. Ô Allah, fais tomber cette pluie autour de nous et pas sur nous. Ô Allah, fais descendre la pluie autour de nous et non sur nous. Et également autorisé de faire de al-istisqa, la prière, de faire l'invocation de la pluie pendant le sujoud, pendant la prière. Il est également autorisé de la faire pendant la nuit. Tant que tu as la possibilité et les moyens de demander la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu en as besoin, demande-le. Mais parmi ces moyens, il y a ce que les savants appellent salat al-istisqa, la prière de la pluie. فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال. Donc, comment on procède à cette prière? L'imam prie deux raka'at. Il prie deux raka'at et accentue dans les invocations et dans l'istighfar et dans le pardon. Et il retourne ses vêtements. Et il met la droite sur la gauche. وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان فأخبرني المسعود عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة حديث صحيح رواه البخاري. Donc lorsqu'il y a un manque de pluie ou lorsque la pluie ne tombe pas, il est légiféré à l'imam de partir et aux gens de partir vers Al-Musalla. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il partait vers Al-Musalla, كان متذللا متضرعا خاشعا. Le professeur Asselam partait humilié. Il partait humilié en baissant sa tête, en étant humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens doivent faire ainsi. Lorsqu'ils se dirigent vers Al-Musalla, vers le terrain vague où va avoir lieu la prière de la pluie, ils doivent y aller la tête baissée. Ils doivent y aller humiliés. Ils doivent y aller humble et modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il y a un manque de pluie, c'est par cause, et il y a des causes pour cela. Soit parce qu'il y a beaucoup de péchés, ou soit parce que les gens ne s'acquittent pas de la zakat, ou soit parce que les gens trompent dans la balance. Tout ceci sont des causes qui abstiennent et qui coupent la pluie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc les gens, lorsqu'ils vont vers cette prière, ils doivent y aller humbles devant Allah subhanahu wa ta'ala en avouant leurs péchés et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Il était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète alayhi sallatu wa sallam a fait un discours également après la prière de l'istisqa, après la prière de la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les gens wa wa'adahum bi ووعد الناس باليوم باليوم الآخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les gens et leur a promis le rendez-vous du jour du jugement. Et leur a وأمرهم بالتوبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté dans la sunna de faire la prière avant la khutba ou de la faire après. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation de l'istisqa après la prière, et dans d'autres hadiths, il a été rapporté que le prophète alayhi sallam l'a fait avant. Cheikh al-Albani rahimahullah dit que hada min ikhtilaf at-tanawwu', que cela fait partie de la divergence. Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on avait dit ikhtilaf at-tanawwu', diversifié, que c'était une divergence diversifiée, yani que le premier fait du professeur, le fait que le professeur Hassan l'ait fait avant et fait le discours avant la prière, ne contredit pas le fait qu'il l'ait fait après. On doit comprendre de cela que de temps en temps, il est autorisé de faire ainsi et de temps en temps, il est autorisé de le faire de l'autre façon. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et de même pour Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Donc, l'imam fait sa prière, il fait son discours, il exhorte les gens et invoque. Il doit invoquer longuement. Il doit faire des invocations rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres. Il peut rajouter, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de verser la pluie sur l'endroit où il se trouve et demande à Allah subhanahu wa ta'ala longuement. Il faut que l'imam invoque longuement Allah subhanahu wa ta'ala comme le faisait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Élever ses mains jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, l'invocation de la pluie, il levait ses mains jusqu'à ce que les compagnons radhiyallahu anhum voyaient la blancheur de ses aisselles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait haut ses mains. Et les savants disent que l'imam doit faire ainsi. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que même cela est propre à l'imam. que c'est l'imam qui doit lever ses mains, les gens doivent lever leurs mains également, mais de lever les mains très haut, cela doit être fait par l'imam uniquement, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala longuement, puis l'imam doit se retourner. L'imam doit se retourner et donner dos aux gens et doit retourner ses vêtements. S'il a un qamis, il doit retourner son qamis. Le prophète a dit « wa qallaba rida'ah ». Le prophète a retourné son rida. Il a mis la droite sur la gauche. Et d'autres, dans d'autres versions, le prophète a mis son vêtement à l'envers. Et les savants disent que le prophète s'est retourné et a retourné ses vêtements pour montrer qu'il passait d'un état à un autre. Pour montrer que la personne passe d'un état à un autre. Qu'elle était dans un état avant la prière de la pluie, un état qui a fait que la pluie ne tombait plus, un état de péché, etc. Et de retourner ses vêtements, c'est comme une preuve d'un engagement que l'on a tourné la page. Que l'on a tourné la page et que l'on passe d'un état à un autre. Ça, c'est la sagesse de retourner les vêtements. Et dans d'autres versions... Il était rapporté que même les gens retournent leurs vêtements. Mais la version n'est pas authentique, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que cette version est faible. Une version du hadith qui dit que وَحَوَّلَ النَّاسُ رِدَاءَهُمْ, que les gens également ont retourné leurs vêtements, mais cette version n'est pas authentique, elle ne doit pas donc être prise en considération. Le fait de retourner les vêtements est donc une chose propre à l'imam. De retourner les vêtements est une chose propre à l'imam, wallahu a'lam. Non. La durée, il reste combien de temps? Enfin, la durée que l'on retournait, c'est quoi? Allahu a'lam. L'adri, je ne sais pas. L'adri. C'est clair? Taïb, ce jour de tilawa, la prosternation de la lecture. Qala ibn Hazm fil muhalla, fil Qur'an 14 sajda, awaluha fi akhiri khatmati surat al-A'raf. Afwan. ثم في الرعد ثم في النحل ثم في سبحان ثم في كاف ها يا عين صاد ثم في الحج في الأولى وليس قرب آخرها سجدة ثم في الفرقان ثم في النمل ثم في آخر ألف لام ميم تنزيل ثم في صاد ثم في حام ميم فصلت ثم في والنجم في آخرها ثم في إذا السماء انشقت عند قوله لا يسجدون ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها. Donc la prosternation de la lecture. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah a dit dans son livre Al-Muhalla, il y a dans le Coran 14 sajda, 14 prosternations. La première, c'est vers la fin de surat Al-A'raf. Comment ils appellent Al-A'raf en français? Non, c'est l'Ahzab, les Kualidé. Al-A'raf, je crois qu'ils ont traduit Al-A'raf comme ça. La fin de surat Al-A'raf. Puis dans surat Al-Ra'd, la prière, la surat, le tonnerre. Thumma fi an-nahl, puis dans la prière, dans la surat, les abeilles. Thumma fi subhan. Subhan, c'est surat al-Isra. Subhan alladhi asra bi'abdihi. Dans la surat de l'ascension. Thumma fi kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad, qui est surat Maryam. Thumma fi al-hajj fi al-oula. Puis dans surat al-Hajj, au début de surat al-Hajj. Car il y a un khilaf dans surat al-Hajj. Certains savants disent qu'il y a une sajda, d'autres savants disent qu'il y en a deux. Dans le mushaf, vous voyez qu'il y en a. Il y en a deux. Il y en a une au début de surat et une autre vers la fin. Et la vue le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a qu'une seule sajda. Dans surat al-Hajj, il n'y a qu'une seule sajda qui est la première, non la dernière. Car un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Fil Qur'ani khamsata ashrata » sajda, que dans le Coran il y a 15 prosternations. Mais le hadith est faible, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, que le hadith est faible. Donc l'avis le plus sûr, Allahu a'lam, c'est que dans sajda il n'y a qu'une seule prosternation, qui est celle au début de la surah. C'est pour ça que l'imam Ibn Hazm dit وَلَيْسَ قُرْبَ آخِرِهَا سَجْدَ. Il n'y a pas vers la fin de cette surah, c'est-à-dire surah al-Hajj, de prosternation. ثُمَّ فِي الْفُرْقَانِ. Il y en a une dans Surat al-Furqan, le discernement. Puis il y en a une dans Surat al-Naml, la fourmi. Thumma fi alif lam mim tanzil. C'est quelle surat ça? نعم ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة البروستيرناسيون ثم في صاد une dans سورة صاد ثم في حاميم فصلت une dans سورة فصلت ثم في والنجم في آخرها il y en a une également dans سورة النجم l'étoile vers la fin ثم في إذا السماء انشقت dans سورة الانشقاق عند قوله تعالى يعني au moment où Allah سبحانه وتعالى dit وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون et lorsque le Coran est lit sur eux ils ne se prosternent pas ثم في إقرأ باسم ربك في آخرها puis dans سورة إقرأ lit vers la, dans la fin de celle-ci donc il y a en tout 14 prosternations dans le Coran حكم السجود le jugement de cette prosternation قال وليس السجود فرضا لكنه فضل et cette prosternation n'est pas une obligation mais elle est préférable elle est préférable quelle est la preuve qu'elle est préférable non moi j'ai lu un hadith mais je ne sais pas si c'est authentique de Omar qui avait fait une première prière où il y avait une sajada et qu'il avait fait la prosternation et ensuite il avait refait il y a ça aussi non les savants ont utilisé ce fait de Omar al-Khattab que Omar al-Khattab avait fait une prosternation lorsqu'il avait lu et une autre fois ne l'avait pas faite il y a aussi une autre preuve c'est que le prophète avait lu surat al-Najm avait lu surat l'étoile donc on a dit qu'il y avait une prosternation dans surat al-Najm que le prophète a lu et s'est prosterné puis une autre fois Zayd ibn Thabit a lu sur le prophète et ni Zayd ni le prophète ne se sont prosternés et les savants ont déduit que cela était une preuve de du caractère préférable de la prosternation de la lecture et que ce n'était pas obligatoire. Il est légiféré de faire cette prosternation de la lecture pendant les prières obligatoires comme pendant les prières surérogatoires. Et en dehors des prières, à toute heure, وعند طلوع الشمس وغروبها au moment du lever du soleil comme au moment de son coucher واستوائها الى القبلة وغروبها واستوائها donc au moment du lever du soleil au moment de son coucher et au moment de son zénith pendant ces trois moments il est autorisé de faire la prosternation de la lecture الى القبلة والى غير القبلة vers en se dirigeant vers la qibla ou non même si le meilleur c'est de se diriger vers la Qibla, mais ce n'est pas une condition. Et que la personne soit en état de pureté ou non. Et donc l'auteur dit et la prière n'est pas obligatoire mais préférable car il a été rapporté que le prophète sallam a lu surat al-Najm s'est prosterné et Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a lu également sur le prophète alayhi sallam al-Najm mais le prophète sallam ainsi que Zayd ne se sont pas prosternés ainsi pour montrer que cela était autorisé préférable et non obligatoire. Wa amma سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن فلأنها ليست صلاة وقد قال عليه السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى طيب donc on a dit qu'il était autorisé de faire sujoud tilawa pendant les prières obligatoires et pendant les prières surérogatoires طيب est-ce qu'il est autorisé de faire sujoud tilawa pendant les prières obligatoire à voix basse. Quand tu es tout seul, na'am. Quand tu es tout seul, na'am. Et quand tu es imam, les savants disent fawa makrouh. Les savants disent que cela est détestable. Il est détestable pour l'imam qui prie pendant une prière obligatoire, mais à voix basse, de faire la prosternation de la lecture lorsqu'il lit. Car cela va créer un désordre pendant la prière. Va faire un tashwish et va déranger les gens et va les déstabiliser. Donc les savants disent, parmi eux, Cheikh Laben, rahimallah, أن قراءة أن سجود التلاوة في الصلاة السرية مكروه كم سلذي كالمون الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن فلأنها ليست صلاة. Et le fait de se prosterner sans être en état de pureté et sans se diriger vers la qibla, quelles que soient les circonstances, car cela est autorisé car ce n'est pas une prière. Les savants disent que ce jeu de tilawa, ce n'est pas une prière, mais c'est un dhikr, c'est un rappel, ce n'est pas une prière. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc là c'est toujours l'imam ibn Hazm رحمه الله qui parle. وَلَيْسَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَا مَثْنَا. La prière du jour et de la nuit est de deux rak'at, de deux rak'at. فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة. Donc l'imam ibn Hazm رحمه الله dit toute prière qui est inférieure à deux rak'at ce n'est pas une prière. إلا أن يأتي نص بأنه الصلاة. Sauf s'il y a une preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui nous prouve que c'est une prière. كركعت الخوف. Comme la rak'at du khawf, de la peur. C'est quoi la rak'at de la peur? Non. Qui connaît la rak'at de la peur? Il y a un danger, non? On n'a pas d'autorité, non? Non. C'est qu'on n'a pas d'autorité. En cas de guerre, il y a un danger. Non. En cas de guerre sainte. En cas de guerre. Ah, sainte. On avait dit ça, on avait parlé de cette prière déjà. Que pendant en état de guerre, qu'il y a une prière spéciale que les savants appellent salat al-khawf. Que l'imam prie deux rak'at. Il prie. Une partie des gens et des combattants prient avec lui pendant que les autres combattent. Ils prient une rak'at avec l'imam, et lorsque l'imam se lève pour la deuxième, eux, ils sortent et vont combattre pendant que ceux qui combattaient, eux, prient avec l'imam la deuxième rak'at. D'accord ? Donc chacune des deux parties, chacune des deux parties de l'armée aura prié combien de rak'at ? Une, et l'imam, deux. Donc c'est pour ça que les savants appellent rak'at al-khawf. En fin de compte, ils ont prié combien ? Une seule prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé cela prière. Et le professeur Salim aussi a appelé cela prière malgré que ce soit une seule raka'a. Ou al-witr. De même pour l'witr. L'witr c'est une seule raka'a. Le professeur Salim a appelé cela prière. Ou salatul janaza. De même pour la prière funéraire. D'accord ? Ou la nassa fi anna sajdat at-tilawati salah. Et il n'y a aucune preuve qui nous montre ou qui prouve que la prosternation de la lecture est une prière. Donc ce n'est pas une prière. Donc toutes les conditions qui doivent être remplies pour que la prière soit acceptée ne sont pas obligatoires lors de la prosternation de la lecture. Il n'était pas obligé de te diriger vers la qibla, tu n'es pas obligé d'être habillé, la femme n'est pas obligée de porter son hijab, de se couvrir, tu n'es pas obligé de te diriger vers la qibla, et la akhiri. Non. Est-ce que je voulais savoir ce que c'était une preuve pour lire le Coran sans vodou? Est-ce que c'est un délit comme qu'on peut lire le Coran? Non, il n'y a pas de délit sur ça. Et même certains savants disent qu'il est préférable, même qu'il est obligatoire, pendant ce jeu de tilawa, d'être en état d'ablution. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, car il considère que lorsque tu lis le Coran, tu dois le lire en état de pureté. Ou quand tu prends le mushaf, tu dois le prendre lorsque tu as tes ablutions. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit qu'il est préférable pendant ce jeu de tilawa d'être en état d'ablution, pas pour la prosternation, mais parce que il est recommandé d'être en état de pureté lorsque tu lis le Coran. Il est autorisé. Est-ce que c'est seulement celui qui lit qui doit se prosterner ou également ceux qui entendent? Ceux qui entendent aussi, il aurait préférable, il aurait aussi légiféré de se prosterner. Comme cela a été rapporté par Ibn Umar radiallahu anhu, qui dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra alayna surata fiha sajda fayashjud wa nasjud hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Al-Bukhari wa Muslim. Comme cela est rapporté dans le hadith de Al-Bukhari wa Muslim, hadith d'Ibn Umar radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait sur nous des surates comportant des prosternations, fayas judo, il se prosternait, ou anas judo, et nous nous prosternions également, wala yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Et certains d'entre nous ne trouvaient pas d'endroit où poser leur front. Certains d'entre nous ne trouvaient pas l'endroit où poser leur front. Donc il est autorisé à celui qui lit de se prosterner, mais il est également autorisé à celui qui écoute de se prosterner également. C'est en dehors de la prière. Non ? En dehors de la salat. En dehors de la salat, même en dehors de la salat. Pendant la salat, tu dois suivre l'imam, mais en dehors de la salat, il t'est légiféré également de te prosterner. Voilà. Dans notre pays, il y a certains bonhommes, ils lisent tous ensemble. Et toi, tu es à côté, maintenant, tu lis le Coran, et ils se prosternent tous. On se prosterne avec lui. Quel choix ? Et nous, on a dit c'est mustahab. Le sujoud, la prosternation, elle est préférable. En sachant que ce qu'ils font, c'est une bid'a. Qu'ils sont tous ensemble en train de... Non, le fait qu'ils lisent ensemble, c'est une bid'a, mais le fait qu'ils lisent un verset avec un sujoud dedans, avec une prosternation, c'est pas une bid'a. C'est pas parce qu'ils lisent ensemble d'une seule voix que cela doit te priver du bien et des mérites de ce sujoud de tilawa. Parce qu'on va voir après les mérites de ce sujoud de tilawa. Ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on doit dire quand on est en sujoud? On va voir inchallah après. طيب, et concernant le takbir, certains savants disent que pendant la prière, tu dois faire le takbir. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit que pendant la prière, lorsque tu lis un verset avec ce jeu de tilawa, avec une prosternation de la lecture, tu dois dire le takbir. Lorsque tu te prosternes, et tu dois dire le takbir lorsque tu te relèves. Et leur preuve, c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith où les compagnons disent qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru inda kulli raf'in wa khafd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar durant tous les moments où il se relevait et s'abaissait. C'est un hadith général que les savants qui autorisent de dire le takbir pendant la prière utilisent. D'accord? Et les autres savants disent non. Comme Cheikh Labine rahimahullah dit qu'il n'y a pas de takbir, que le hadith rapporté à ce sujet est faible. Car il y a un hadith où les compagnons dit que le prophète s.a.w. avait lu une surah avec une prosternation, فَسَجَدَ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ, que le prophète s.a.w. a dit Allahu Akbar, puis s'est prosterné. Mais cette version est faible. Et subhanallah, la version authentique rapportée dans le Bukhari, le même hadith sans ziyadat wa kabbar. Dans le Bukhari, il y a le hadith où le prophète a lu une sourate comportant une prosternation de la lecture. Et le prophète, dans la version de le Bukhari, il n'est pas cité que le prophète a dit Allahu Akbar. Il est seulement cité que le prophète a dit s'est prosterné à la fois. Que le prophète s'est uniquement prosterné sans dire Allahu Akbar. Et il a été rapporté par Ibn Mas'ud, selon lui, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, pendant la prière, lorsqu'il lisait une sourate comportant une prosternation, il kana yukabbir wa yashjud. Il faisait le takbir et se prosternait. Et Cheikh Al-Abadi rahimahullah dit que ce fait d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous permet de dire qu'il est autorisé, qu'il ne faut pas être dur envers ceux qui font le takbir pendant la prière pour se prosterner, la prosternation de la lecture. Car cela a été rapporté par un compagnon, radiallahu anhu, et que cela a été rapporté de façon authentique. Mais le mieux, c'est de suivre la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a lu à plusieurs reprises des sourates pendant la prière comportant des prosternations. Et plusieurs compagnons ont rapporté cela, et aucun d'entre eux n'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar. Il n'a pas, les compagnons qui ont rapporté toutes ces prosternations du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kanu yukabbir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar lorsqu'il se prosternait. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas dire Allahu Akbar. De ne pas dire Allahu Akbar, de se prosterner directement. Et même lorsque tu te relèves, de ne pas dire le takbir. Ça c'est, comme dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est ce qu'il y a de mieux. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est le plus aimé chez nous. Même si certains compagnons, il a été rapporté qu'ils le faisaient, et cela doit nous permettre d'être indulgents envers ceux qui disent qu'il faut faire le takbir. Et ils répondent au hadith du prophète sallam qu'il faisait le takbir à chaque moment où il s'abaissait et se relevait. Ils disent les compagnons radhiyallahu anhum ont rapporté ce fait du prophète sallam dans sa prière habituelle, dans sa prière de tous les jours, mais pas dans des cas particuliers comme ce jour de tilawa, comme la prosternation de la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fois où il s'est prosterné sont rares par rapport à la prière que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas prendre ce cas général et l'appliquer sur ce cas particulier. Ça c'est ce que Cheikh Al-Albani rahimahullah a répondu. C'est clair ? Allez. Fadluhu, donc les mérites de cette prosternation de la lecture. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه أم أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. حديث رواه مسلم. Donc les mérites de la prosternation de la lecture, selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque le fils d'Adam lit un verset comportant une prosternation et se prosterne, le diable s'éloigne en pleurant et dit « Malheur à moi, il a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné, il aura alors le paradis, et moi j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai désobéi, à moi l'enfer. » Hadith rapporté par Muslim. « Ma yaqulu idha sajad » Que doit dire la personne lorsqu'elle est en prosternation de la lecture. Sujud de tilawa. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. سنو عائشة رضي الله عنها elle rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se prosternait pendant la lecture du Coran la nuit, il disait pendant sa prosternation, il répétait plusieurs fois sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara. Je me prosterne, plutôt mon visage se prosterne devant celui qui l'a créé et celui qui lui a accordé la vue et l'ouïe, bihawlihi wa quwwatihi, par sa force. Hadith rapporté par Abu Daoud. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Ceux qui ont les anciennes versions, les anciennes éditions, il est marqué أحسن الخالقين. Il faut rajouter un point. Et selon Ali رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, c'est-à-dire pendant la prosternation de la lecture, il disait Allahumma laka sajadt, ô Allah, je me prosterne devant toi. Wa bika amant, et c'est en toi que je crois. Wa laka aslamt, et c'est pour toi que je me suis soumis. Anta Rabbi, tu es mon Seigneur. Sajada wajhi lilladhi shaqqa sam'ahu wa basara. Mon visage se prosterne pour celui qui lui a accordé lui et la vue, tabarakallahu ahsanul khaliqin, que soit exalté le meilleur des créateurs. Hadith authentique apporté par Muslim ibn Majah. Wa an ibn Abbas, qala kuntu inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'atahu rajulun faqala inni ra'aytu al-barihata fima yara an-na'im, ka'anni usalli ila asli shajara, faqara'tu as-sajdata fasajadtu. فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك دخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قوله الشجرة عن قول الشجرة. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. اسم ابن عباس رضي الله عنه il dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu à lui et lui a dit: j'ai vu hier dans mes rêves, j'ai vu hier dans mon rêve que je priais au pied d'un arbre. Et j'ai lu un verset comportant une prosternation je me suis prosterné. Et l'arbre s'est prosterné en même temps que moi. Et je l'ai entendu dire, et l'homme dit, et j'ai entendu dire dans mon rêve, j'ai entendu l'arbre dire pendant sa prosternation, Allahumma ihtut anni biha wazra, ô Allah, efface-moi par celle-ci mes péchés, waktub liya biha ajra, et écris-moi ou inscris-moi par celle-ci des bonnes récompenses, waj'alha liya indaka dakhara, et fais qu'elle soit pour moi chez toi une provision. Qala ibn Abbas, Ibn Abbas radiallahu anhu dit, et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire un verset comportant une prosternation, fa sajad, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, et je l'ai entendu dire comme l'invocation dont lui a informé l'homme qu'il avait entendu de l'arbre. Donc dans ce hadith, il est clair ou pas? C'est clair qu'un homme avait vu en rêve qu'il priait, qu'il s'est prosterné, qu'il priait au pied d'un arbre, il s'est prosterné, l'arbre s'est prosterné en même temps que lui, et l'homme a entendu l'arbre dire cette invocation, Allahumma ihtut anni biha wizra, waktub liya biha ajra, waj'alha liya indaka dakhara, et le prophète alayhi salatu wasalam l'a appliqué par la suite, comme nous rapporte cela Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sujud al-shukr, la prosternation du remerciement. Yustahabbu liman waradat alayhi ni'mah أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. La prosternation du remerciement. Il est préférable pour celui qui a eu un bienfait ou qui a été épargné d'un mal ou à qui on a annoncé une bonne nouvelle qui le rend heureux de se prosterner comme le faisait le prophète عليه الصلاة والسلام. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي. Et selon Abu Bakr, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'une chose qui le rendait heureux ou une chose qui rend heureuse, donc il ne le rendait pas lui particulièrement heureux, mais qui rend heureux tout le monde, que le prophète tombait prosterné en remerciement à Allah, exalté soit-il. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah ou Abu Daoud. Et le jugement de la prosternation du remerciement est le même que celui de la prosternation de la lecture, c'est-à-dire qu'il est préférable, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas une condition de se diriger vers la Qibla, d'être en état de pureté, etc. etc. On اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.